bonsoir, il est 21h, nous sommes le jeudi 15 avril 2021. Vous écoutez Radio Radio sur 106.8 et c'est l'heure de vraiment autre chose. Il est 21h01, alors si vous appelez Noé et que vous êtes l'auteur, compositeur, interprète de la sublime chanson « I'm on a way, I'm on a pudding on a frame », eh bien, il est l'heure d'éteindre la lumière et de partir dans des doux rêves musicaux pour les autres. Bah, les doux rêves musicaux, on va vous les proposer dans les 2 heures qui viennent. C'est vraiment autre chose, numéro 166, au pied de la lettre 5. Au pied de la lettre 5, mais qu'est-ce qu'il raconte, de quoi il parle? Alors c'est très simple, les émissions au pied de la lettre sont des hors-séries de vraiment autre chose que nous vous proposons depuis maintenant un mois. Si vous voulez un peu récupérer les épisodes précédents, si vous les avez manqués, précipitez-vous sur le Mixcloud de Radio Radio, sur le blog de vraiment autre chose, vous tapez vraiment autre chose haut et fort dans un moteur de recherche, Mixcloud Radio Radio Toulouse, et là vous pouvez réécouter tous les programmes de Radio Radio, et il y en a beaucoup qui sont très intéressants, et vous pouvez aussi réécouter donc les émissions précédentes de Vraiment Autre Chose, dont les 4 précédentes qui s'appelaient Au pied de la lettre. Pourquoi Au pied de la lettre? Eh bien, parce que nous avons décidé avec l'équipe de Vraiment Autre Chose de nous attaquer à la Nurse with Wound List. Genre, petite remise en contexte. On est en 1978 quand sort le premier album du trio Nurse with Wound, The Chance Meeting on a Dissecting Table of a Sewing Machine and an Umbrella, pour être précis. Et Nurse with Wound, il y a 3 musiciens dedans, dont 2, Steve Stapleton et John Fogershill, qui sont 2 gros geeks, si j'ose dire, parce que le terme est un peu anachronique. Mais ouais, 2 gros fans fondus de musique expérimentale. Les gars ont passé 8 ans à fouiller dans tous les disquaires de Londres et d'Europe, partout où ils allaient. Premier truc à faire, on se précipite chez les disquaires. Qu'est-ce que vous avez d'avant-garde, d'expérimental, de nouveau? Et voilà, allez creuser des sons. Et ces gars-là se sont montés une discographie incroyable et des références musicales incroyables. Ils ont bouffé de la musique expérimentale jusqu'à décider de faire la propre musique. Et d'ailleurs, quand sort le premier album de Nurse with Wound, ils le disent très clairement, nous n'avons jamais touché d'instrument avant. Il n'y a pas besoin d'être musicien pour faire de la musique, il suffit de savoir écouter. Et ils en ont écouté des choses. Et comme ils veulent les partager, dans ce premier album, ils mettent un petit livret avec toutes leurs influences, ce qu'on appellera par la suite la Nurse with Wound List. Il y a 246 noms. D'ailleurs, c'est pas assez parce qu'en 1981 sort le deuxième album de Nurse with Wound et hop, ils en rajoutent encore une palanquée. Au final, il y a 211 noms pardon, dans cette Nurse with Wound List. Des choses plutôt connues comme Frank Zappa, Christian Vander, Captain Beefheart, Albert Marker par exemple. Et aussi certains groupes restés complètement obscurs. Et justement, cette liste leur aura donné de la lumière parce que par la suite, cette liste prend sa propre existence, elle se propage, des gens deviennent fans, ça devient un objet de collection que de récupérer les disques de la Nurse with Wound List chez les disques. Il y a des bacs avec écrit Nurse with Wound List, beaucoup de ces petites pépites obscures qui auraient pu rester dans l'oubli ont été rééditées par la suite parce que connues grâce à la Nurse with Wound List. Et on voulait partager ça avec vous, avec Nico, Inès et Tony, qu'on retrouvera tout à l'heure au téléphone, mais en présentiel, et là c'est vraiment la classe, l'ineffable, l'irremplaçable, l'inégalable Guénolé. Bonsoir Guéno. Bonsoir Manu, bonsoir tout le monde, et puis au rendez-vous pour ce pied à lettre numéro 5. Et puis on en a fini avec la lettre A. Dans les quatre épisodes précédents étaient dédiés à la lettre A, je crois qu'on a fait 29 groupes. C'est ça, ouais. Ce qui, un petit calcul mathématique peut nous amener à conclure qu'on en a pour une quarantaine de hors-série. Là, c'est la numéro 5. La semaine prochaine, ce ne sera pas hors-série. On reviendra à une émission normale. On aura des invités musicaux, la présence d'Edredon Sensible, qu'on partagera leur frais album, qui sortira d'ailleurs le lendemain. Ce sera une petite avant-première. Mais ce soir, nous poursuivons notre tentative d'exploration de la Nurse with Wound List et nous passons à la lettre B. Et Guéno, c'est toi qui ouvres le B comme le bal. Oui, tout à fait, comme le bal. Et ça tombe bien parce que le groupe dont je vais vous parler à l'instant s'appelle Il Balletto di Bronzo, Donc c'est italien. Donc le, j'ai pas traduit sur, sur un moteur de recherche connu, mais bon, j'imagine que ça veut dire quand même le ballet de bronze. Donc c'est un groupe qui nous vient de d'Italie, de Napoli. Donc je vais essayer souvent de faire l'accent chantant comme ça, l'accent cantare. Donc un groupe qui a débuté en 69, qui a fait un premier album, Sirio 2222, et ensuite il y a eu un second album qui s'appelle Is, où là il y a eu l'arrivée d'un claviériste qui a un peu changé quand même la teneur et le son de ce groupe. C'est un groupe de. Ils ont fait aussi ensuite un autre album et après ils sont séparés et puis ils sont revenus dans les années 90. Je n'ai pas écouté ce qu'ils ont fait dans l'ère plus contemporaine. Mais voilà, donc c'est un groupe de rock prog, psyché italien. Voilà, j'ai lu qu'ils ont assez contribué à faire émerger, en tout cas à initier le mouvement rock prog italien. Et du coup, vu qu'on avait des discussions sur le krautrock, sur ces Anglais qui avaient dénommé de manière péjorative à la base, bien que les groupes de rock prog, de krautrock sont réappropriés, voilà, j'ai voulu faire un peu mon critique, je sais pas, rock and folk ou prog and folk, je sais pas comment le dire. Contemporain. Donc j'appelle ça du tagliatello rock. On a pu faire du pizza rock, mais bon, ça aurait été un peu trop dans l'ère de la mondialisation, ça n'a plus trop de sens. Donc voilà, c'est un groupe de tagliatello rock. Donc rock prog, rock psyché. Donc vas-y. Je vais juste te dire que là, franchement, tu m'épates. Ah bah oui, écoute. Bah toi aussi, comme quoi. Et voilà, donc moi c'est un groupe que j'ai écouté avant que l'émission se fasse. Enfin l'émission, je veux dire, avant qu'on entame cette série de hors-série. C'est une série de hors-série. Est-ce qu'au bout de 40 émissions, c'est vraiment hors-série? Ça sera à débattre peut-être entre nous. Et j'avais vachement aimé ce morceau qui... Donc c'est le morceau du premier morceau du second album. Et l'album qui s'appelle Is, YS. Qui est Is, donc qui est une ville un peu l'Atlantide celte, c'est une ville engloutie, voilà, légendaire. On ne sait pas s'il y a des, on n'a pas retrouvé forcément des traces géologiques enfouies, tout ça, mais c'est une ville mythique, légendaire celte. Donc les Italiens sont allés outre-Manche, enfin dans la Manche même, j'ai envie de dire. Et ce morceau m'avait beaucoup plu. On en parlera après de toute façon du morceau parce qu'on va l'écouter. Il dure 15 minutes. Il a un côté qui est assez rock prog, très, on va dire, un peu dégoulinant où ça, de la guitare, du solo de guitare, on me tue, en voilà. Mais les deux petites premières parties, les deux petites secondes parties de la fin sont pour le coup assez actuelles, notamment la première. Où il y a le clavier qui est là, ou qui voilà, qui est oriental. Et vous connaissez mes penchants vers l'Orient. Et ça, moi, ça m'a fait penser à un petit riff, je sais pas, à la Secret Chief, quoi. Tout simplement, tout bonnement. Ça y est, ça c'est dit. Et voilà. Donc ils ont été aussi taxés, non pas que ce soit négatif ou péjoratif, mais de voilà, de un peu de ceux qui ont aussi initié le symphonie prog. Donc, on va s'écouter ce premier morceau qui s'appelle Introduzione, donc introduction en italien, qui dure 15 minutes. Et puis, je sais pas, on en parlera un petit peu après, Manu, si tu le veux bien. Eh bien, c'est parti. Donc, il balletto di bronzo pour démarrer cette cinquième tentative d'exploration de la Nurse with Wound List. Introduzione. Thank you.

n'y a pas de fade out là, ça coupe. Ça coupe direct. Est-ce à dire, camarade, que le morceau suivant enchaîne et qu'il y a une espèce de suite ? Ah, mais tu viens de me couper l'herbe sous le pied. Oui, c'est exactement ça, en fait. L'album, en fait, chaque fin de chanson est le début d'une autre. Et du coup, ça s'écoute comme ça, d'une traite. C'est pour ça que le premier morceau s'appelle Introduzione. Second, c'est Primero Incontro. Second, c'est Secondo Incontro. Le troisième, c'est Terzo Incontro. Quatrième, c'est Epilogo. Donc, a priori, ça s'arrête. Mais là, eux nous coupent l'herbe sous le pied. En tout cas, nous laissent dénus. Et il y a une dernière chanson après l'épilogue qui s'appelle... Alors, j'ai oublié en italien, mais en gros, c'est dire ta maison confortable, ta maison commode avec toutes les commodités. Donc, voilà. D'accord. Allez savoir, mais en tout cas... C'est une maison dans la fameuse Atlantide, dans le fameux Is. Bah ouais, une commodité sous la manche, quoi. À avoir, en tout cas, sous la manche. Sous le bras, plutôt. Et du coup, voilà, donc... Donc, ça s'écoute d'une traite, c'est assez plaisant. Là, on a pu voir, là, c'est le gros morceau de 15 minutes. Ensuite, c'est plus des morceaux de 3-4 minutes, mais qui s'enchaînent l'un l'autre avec ma foi, un plaisir non... Non, merde, j'ai oublié l'expression. Un plaisir non. J'irai pas jusqu'à dire non. moi, alors là, franchement, c'est un peu mon souci avec le rock progressif italien, pardon, le tagliatelle rock, c'est que, voilà, il y a vraiment ce côté hyper aventureux, très, très, très jazz, très, très, très avant-gardiste par moment dans certains plans, dans certaines sonorités. Je comprends que tu aies pensé à Secret Chiefs par moment, et il y a vraiment des trucs, ça me rappelle peut-être un petit peu plus Genesis aussi, ouais, dans la première période, dans ce que ça pouvait avoir de plus aventureux. Mais il y a toujours un moment, moi, dans cette musique-là, où le chant, et je décroche un peu, un petit côté justement, ce que tu appelais symphonique, à très juste titre, et c'est vrai qu'on retrouve ça dans énormément de groupes italiens, de rock progressif, Biglietto del Tram, dont on parlera d'ailleurs dans une émission à venir, qui fait partie de la liste. Qu'est-ce que je pourrais citer ? Banco del Moto Soccorso, Primata Formata Marconi, et je ne bluffe pas. Et c'est vrai que, voilà, on retrouve vraiment dans ces groupes-là tout ce côté aventureux. Puis il y a toujours un moment où, pourquoi il y a du chant, dommage. Enfin, je trouve, mais bon, cela dit, ça n'enlève rien à... vraiment, ces 15 minutes, personnellement, je ne les ai pas sentis passer tellement ça enchaîne bien, c'est inventif, c'est intelligent. Voilà, ça fait plaisir d'écouter ce type de son. Ben tant mieux. Et puis en parlant d'enchaîner, on va accueillir par téléphone ensuite Inès. Mais avant d'entendre sa douce voix, on va s'écouter un morceau qui s'intitule Trio, qui est un bonus track pour être précis de l'album Ceci et Cela. On est en 1979 et le musicien à qui on va s'intéresser maintenant en compagnie de la délicieuse Inès, c'est Philippe Bézombe. Alors c'est parti, on s'écoute Ceci et Cela, le titre Trio. Thank you. Et c'est très beau et très intriguant ce qu'on vient d'entendre. Philippe Bézombe, le morceau, c'était Trio. Inès, qu'est-ce que c'est que cette chose? Ça change d'ambiance, hein, n'est-ce pas? Bonsoir tout le monde. Coucou. Bonsoir Inès. Bon alors, on vient d'écouter un morceau fort étonnant de l'artiste Philippe Bézombe. Donc là, c'est un des morceaux bonus track, comme tu disais tout à l'heure, de l'album, donc qui date de 1979. Quand j'ai commencé un peu à faire mes recherches là sur Philippe, eh ben, je me suis rendu compte que ce mec a une vie assez folle. Et, il a une page Wikipédia extrêmement bien remplie. C'est un artiste précurseur des musiques électroniques en France, donc il est de Paris. Il est à la base chercheur en chimie organique et il démarre la musique aux alentours des années 70 et son métier de chercheur se retrouvera assez facilement le long de sa carrière, notamment sur ses expérimentations de son, comme on peut l'entendre là, notamment avec cet album. Il fait beaucoup de choses, il sera directeur artistique, ingé son, producteur, compositeur, enfin, il touche un petit peu à tout. Il montera son propre studio d'enregistrement dans le sud de Paris, qui verra passer beaucoup d'artistes connus dans les années 70-80. Et le morceau, donc là, c'est un bonus track qu'on vient d'écouter, et il a été rajouté lors des rééditions, puisqu'à la base, il n'y avait que 5 morceaux dans cet album. On en écoutera 2 autres juste après, notamment un qu'on va écouter après mon petit blabla, qui s'appelle Princesse Lolita, qui est un morceau qui sera retiré de la réédition qui sera fait en 2004 par un label israélien, parce que c'est une musique complètement disco des années 70, très ringarde, on va pas se mentir, mais qui m'a fait mourir de rire quand je l'ai écouté. Et je trouvais ça important de vous faire écouter ce soir parce que pour moi, il caractérise bien ce slalom qui fait Philippe Bézombe tout le long de sa carrière entre musique mainstream, un peu commercial, qui est accessible à tout le public, et des étrangetés, des ovnis complets comme le morceau qui sera juste après, qui sera géant. Et c'est voilà, c'est de la musique contemporaine. J'étais étonnée de la modernité des sons, des synthés. Je trouve que c'est des sons qui n'ont pas du tout vieilli, alors que quand même, ça date un petit peu. Et qui encore aujourd'hui résonne beaucoup dans la musique électronique. Je retrouve beaucoup d'influences et de sons qu'on peut encore écouter aujourd'hui. Ça m'a notamment fait penser au Sieste électronique, un festival qui était à Toulouse à un moment donné, et il y avait des artistes très clairement d'expérimentation comme ça qui m'ont fait beaucoup penser du coup à Philippe Bézombe. Donc voilà. Très bien. Moi, j'ai parcouru aussi un peu cette page Wikipédia qui vraiment faut vraiment troller, enfin faut vraiment scroller beaucoup. Et du coup, il était très attaché aux nouvelles sorties de synthétiseurs. Et les gros Korg, les gros Moog qui ont fait histoire et qui continuent à faire histoire parce qu'ils ont pas vieilli tellement que c'était de la bonne cam, notamment le Mini Moog ou avec Korg aussi. Et c'est vrai que c'est des sons qui, je vois ce que tu veux dire avec les siestes électroniques ou avec d'autres groupes, ben c'est des sons qu'on connaît en fait. C'est ça, ouais, complètement. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'on fait, Inès? On écoute Princesse Lolita, on te reparle juste après, ou tu veux qu'on enchaîne? On peut, je sais pas. Je veux bien votre avis sur Princesse Lolita, parce que je pense que vous allez beaucoup aimer ce morceau. Je sens de l'ironie dans ta voix. Allez, c'est parti, Princesse Lolita. Tous les ans, un nouveau dragon vient manger notre princesse. Waouh! Bah, moi, direct, ça me fait penser à Richard Gutener. Oh, okay. Ah, ouais, vraiment, ça m'est venu de suite à l'esprit, à l'introduction et à l'outro. En plus, il y a un fade-out. Alors, pensez à Michel Gutener, à Richard Gutener, et en plus, il y a un fade-out. Moi, ça va, je valide. Ouais, ouais. Moi, ça m'a fait penser à je sais pas, à Olivier Duhamel ou à tous ces hashtags incestes. Je sais pas, il m'a mis vraiment de bonne humeur et du coup c'est le premier morceau de l'album en fait, Princesse Lolita Origina, qui a été demandé par la maison d'édition avec laquelle il travaillait lors de la sortie de cet album. Et c'est le premier morceau et ensuite le deuxième tu enchaînes sur de la musique contemporaine. Et du coup tu te demandes qu'est-ce que ça fait là et en même temps il est pas mauvais, c'est un sort de je sais pas, de petit truc au milieu de. D'un enchaînement de sons expérimentaux. C'est assez, enfin, il m'a marqué, quoi. Dans la découverte de l'album que j'ai fait, ça m'a réellement marqué d'avoir ça en intro et d'avoir tellement autre chose après, quoi. Et juste, c'est quelle année, Inès, s'il te plaît ? 1979. Ok. Voilà. C'était juste pour avoir l'année. C'est très moderne en effet. Écoute, on va s'écouter ce fameux géant. Alors après, pour goûter un petit peu plus à la couleur expérimentale de Philippe Bézombe. Et merci encore Inès. Et puis on te retrouve la semaine prochaine en présentiel, comme on dit maintenant. Exactement, avec ma petite attestation dérogatoire. Eh ben magnifique. Ben, voilà, ça c'est du vocabulaire actuel. Ça. Eh bien, gros bisous très cher, et puis on s'écoute donc Géant, Philippe Bézombe, donc de l'album Ceci et Cela, 1979. Salut tout le monde! Bisous! Encore un fade out, décidément. Il est 21h51, vous écoutez Radio Radio, c'est vraiment autre chose, numéro 166, mais aussi au pied de la lettre 5, puisque nous continuons notre tentative d'exploration de la Nurse with Wound List. Et maintenant, nous avons l'ami Tony au téléphone. Bonsoir, camarade. Bonsoir, Manu. Bonsoir, Guénolé. Bonsoir, Toulouse. Ici, Cherbourg. Vous allez bien? Oui, ça va très bien, toi. Ouais, ça va. J'ai un peu... Merci, Inès, pour cette bonne découverte de Philippe... Bizombe, c'est ça, hein. C'est incroyable, je regardais, il a quand même influencé North with Wound, il a influencé Sonic Youth, et il vient de faire un album pour Véronique Jeannot et un clip pour un groupe de Zouk. C'est incroyable la musique. La musique n'a pas de frontières, n'a pas de limites. Bah, je pense qu'il faudrait une Philippe Bizombe list. Ah ouais, il a fait des albums pour Bébé, il en a fait 6. C'est incroyable. Ouais, ça me... Bon, nous allons vraiment... Alors ce soir, chers amis, j'ai l'immense honneur de passer à vraiment autre chose, après Philippe Bizombe, puisque je vous propose d'écouter Tom Bradshaw Leader, un grand monsieur, hein, vu de ce seul album qu'il a fait, qui s'appelle Distance Between Us, donc qui déjà pose un truc quand même... pas mal, en 1972, et ce qui est assez intriguant avec ce monsieur, c'est qu'on ne sait pas qui c'est. Voilà, on ne sait vraiment pas qui c'est, on n'a aucune information, et on n'a que des rumeurs. C'est un peu ton credo, on va dire, de trouver des groupes de la Nurse with Wound List dont les informations sont vraiment très bien divulguées et cachées, enfin non divulguées et cachées, quoi. Bah, y avait Alan Sondheim, effectivement, il y a deux émissions de ça, où c'était très très très compliqué, mais j'ai pas vraiment compris, je sais pas comment gagner tout ça. Alors là, c'est encore plus compliqué, mais alors par contre, je peux vous dire, les amis, qu'on va aller dans un univers incroyable, mais vraiment incroyable. J'ai pas écouté tout l'album, j'ai écouté vraiment que le morceau qu'on va passer ce soir. Alors ça donne envie de s'acheter l'album, mais l'album, il coûte minimum 460 €. Puisqu'il n'y a eu que 500 exemplaires, je crois, et je crois que ça n'a pas été réédité. Enfin, je ne crois pas, sur le label Distance, là, en 1972, en Angleterre. Il y a trois théories sur ce monsieur. Alors, je vous les cite. Première théorie, ce serait un membre de Barclay James Harvest. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, qui était un groupe de rock prog anglais, qui était dans le Lancashire, là, qui a été formé en 1966. Deuxième théorie, ce serait Robert John Godfrey, né en 1947, qui a fondé un groupe qui s'appelle The Enid, et qui a un lien avec Barclay James Harvest, parce qu'il a été, je crois, directeur musical, il a résidé pas mal de temps avec Barclay James Harvest, il était clavieriste, et qui vit toujours, je crois, ce groupe-là, The Enid, que je connais pas du tout, un groupe de rock-rock aussi, existe toujours. Et en fait, en 2011, alors il y a des infos par sa soi-disant sœur, puisqu'on ne sait pas si c'est sa sœur, qui aurait sorti un email sur Internet, mais qui a disparu depuis. Alors, je vous lis vite fait, enfin, je vous le lis pas, mais ce qu'aurait dit sa sœur, c'est qu'il serait né en 43, que ce monsieur aurait grandi dans une famille juive. Donc, il y aurait un lien avec la musique, mais par rapport à un destin génétique et non pas de formation. Donc, on peut imaginer que c'est une famille de grands musiciens qui aurait vécu dans l'Essex, en Angleterre, et qui serait devenu en fait un mec avec une grande formation classique, je ne sais plus dans quelle école d'ailleurs, mais formation classique de haut niveau. Et en gros, en fait, il aurait fait des maquettes, et il aurait réussi à obtenir de la part de la CBS, hein, qui est un grand label à l'époque, vers 1970, il aurait réussi à choper des thunes, et grâce auxquelles, en fait, il aurait créé un studio avec un véritable orgue d'église, et avec lequel, en fait, bah, il aurait créé cet album, qui est complètement ouf. Donc, il aurait fait ça tout seul, en bande multipiste. Et voilà, donc, quatre morceaux double vinyle, hein, avec des faces de 20 minutes. Là, le morceau qu'on écoute fait 19. Le deuxième vinyle fait 22 et 23. Donc là, le premier vinyle, c'est Distance Between Us, partie 1, partie 2 sur la trace B. Le deuxième vinyle, c'est Dance of the Goblins. Et la dernière face, c'est Autumn Mist. Et franchement, c'est voilà, c'est à écouter, à réécouter. On va entendre des craquements de disques, hein, bien entendu. A priori, alors moi je l'ai écouté qu'une fois, mais je ne l'ai pas écouté forcément dans les bonnes conditions. C'est bien écouté sur un ampli, en FLAC ou en WAV de préférence. Il y a des trucs un peu cachés dans des voix. Enfin voilà, c'est complètement ouf. Et sur le blog justement qui parle de, qui est très très bien d'ailleurs, hein, de que je vous invite à découvrir. Je pense que Manu, tu mettras peut-être un lien. Un mec a fait tout un blog sur la Nurse with One List. Le mec dit que voilà, c'est un de ses trucs préférés de cette liste et je le rejoins parce que vraiment, je pense qu'alors on n'est pas dans la musique contemporaine, ni même dans la musique classique, ni même dans la musique progressive, mais c'est un peu détroit et c'est complètement incroyable. Pas besoin de drogue ou d'artifice, la musique suffit. Voilà les amis. Eh ben, bon voyage. Place à la musique alors. Ben ouais, merci Tony. Place à la musique. Salut à vous. À très bientôt. À bientôt. Ouais. Ciao. Au revoir. Salut. Au revoir. On s'écoute donc part 1 de Distance Between Us dans l'album de Don Bradshaw Leather. C'est parti. Et ça se termine par un joyeux petit fade-out. Il nous a pas manqué, nous a pas menti, l'ami Tony. Ça craquait pas mal. C'est aussi un peu le jeu hein, quand on s'attaque à cette liste. Certains disques ont été réédités, d'autres non. Dans ce qu'on entend, bah, c'est un aimable internaute qui a eu la gentillesse de ripper ce vinyle et à croire qu'il l'a beaucoup joué ou que tout bêtement, le disque avait quand même pas mal d'années derrière lui. Ouais, moi ça m'a beaucoup plu. L'orgue et puis la présence forte de percussions un peu tribales, enfin de tom quoi, un peu voilà, un imbroglio de tom basse comme ça qui chamboulait un peu l'orgue, la présence de l'orgue, moi j'ai beaucoup aimé, mais voilà, je sais pas si Manu tu as... J'ai pas grand chose à rajouter, mais effectivement, ça m'a beaucoup touché. Vu le côté tribal à la fin, là, très, très inattendu. Encore quelque chose que j'ai trouvé de plutôt moderne. On était en 1972 d'ailleurs. On carrément. Dit. Et ouais, je dirais pas que c'est pour l'instant de notre exploration. Je le mettrais pas dans les trois premiers groupes qui m'ont le plus starté. Par contre, en termes de découverte, j'avais jamais entendu parler de ce monsieur et j'avoue que waouh, belle claque. Ben, je pense pas qu'à la lettre B, il faille commencer à faire un top 3. Je pense qu'on pourra, à partir de V, on pourra s'attaquer au top 20. Et peut-être au Z, on pourra songer au top 3, même si on aura oublié toutes les premières lettres. Je ne sais pas. Nico, qu'est-ce que tu en as pensé ? Ah, c'est super chouette ce morceau-là. Bonsoir en premier à tout le monde. Salut Nico. C'est super. Et je pense aussi, pour faire un top 3, je pense que c'est un truc impossible à faire parce que je pense chaque jour, on va changer de l'idée. Donc, si tu me demandes demain à nouveau quel est ton top 3, je pense qu'il y a un autre avis que hier. Oui, tout à fait d'accord. Hein, sans parler de top 3, j'avais l'intention, là, quand on sera à la lettre V ou à la lettre Z, de demander à chacun des chroniqueurs, des camarades participants à cette émission, de citer deux groupes qui pourraient faire partie d'une Nurse With Wound list actuelle. Et là, on a tout le temps d'y réfléchir. Mais je me disais ça, tiens, si Stephen Stapleton rajoutait 8 groupes maintenant, lesquels seraient-ils et lesquels vous rajouteriez à sa place? Mais bon, on est très loin de ça. Et toi, tu es là pour nous parler de Brain Ticket. Oui, tout à fait, parce qu'au début de l'émission, on a commencé avec le Mozzarella Rock au lieu de Tagliatelle Rock. Ah, bien vu, bien vu. Le Mozzarella Rock. et c'est maintenant le temps pour avoir un peu du rock psychologique. Aujourd'hui, je me plonge dans l'univers de Brain Ticket, qui est formé par Joël van Drogenbroek, oui, un Bruxellois né en 38, qui a grandi en jouant de piano avant de se mettre au jazz. Pour ça, il reçoit plusieurs prix, une habitude malencontreuse, comme il en existe souvent dans le monde du jazz et de musique classique et contemporaine. Il voyage beaucoup et s'installe en Allemagne et en Suisse. À la fin des années 60, van Drogenbroek continue le jazz, mais décide de trouver l'inspiration chez des groupes krautrock allemands, Amandul 2, déjà abordé dans une émission précédente, mais aussi de Can et Tangra Dream. Ces deux seront traités dans les émissions ultérieures. Sous l'influence de ces groupes, Joël et le guitariste Ron Breyer recrutent le batteur Wolfgang Papp et formant le trio qui deviendra Brain Ticket. Combinant l'amour des instruments exotiques et des excursions hors du corps, ce collectif, en constante évolution, a développé une sorte de culte à traverser l'Europe et a acquis la réputation d'être l'un des groupes psychologiques les plus lourds du circuit, ce qui était en quelque sorte une arme à double tranchant. Si leur son hors norme trouve un écho auprès des hippies du monde entier, il n'en va pas de même auprès des autorités qui associent le groupe à une forte consommation de drogue et commençant à interdire leur musique. Leur premier album, Cottonwood Hill, était vendu avec une étiquette d'avertissement, ce qui mènera à son bannissement dans quelques pays. Après cette amère confrontation avec la censure, le groupe s'est dissous discrètement pour la première fois en 72. C'est une année qu'on vient justement d'entendre aussi les groupes précédents. Leur troisième album sort quelques mois plus tard. Brain Ticket était plus considéré comme une communauté que comme un groupe. Les événements extérieurs en constante évolution l'ont rendu ainsi. C'était aussi la mode de cette époque de rencontrer et d'expérimenter avec de nouvelles personnes. Et c'était des moments extrêmement créatifs où chacun avait quelque chose à dire. Il voulait créer de nouveaux projets. Avec tout cela dans l'air, des idées étaient aussi très désorganisées et volatiles par moments. Mais dans l'ensemble, ils étaient plus dédiés au son qu'à un groupe. Et donc, je pense que c'est un bon moment d'écouter ça. Donc, on va écouter le tout premier, un morceau de leur tout premier album. C'est la première piste de la phase B qui est intitulée Brain Ticket Part 1. Et ça vient de l'album Cottonwood Hill qui était sorti en 71. We'll be right back. Bien, punaise, waouh, super morceau. C'était Brain Ticket à l'instant dans vraiment autre chose. Brain Ticket Part 1, donc la phase B, si j'ai bien compris, Nico. Tout à fait, tout à fait. Donc sur la phase B, il y en a 3 morceaux, Part 1, Part 2, Part 3. Ça, c'est toujours facile. et aussi, excuse-moi. Non, pardon, vas-y. Oh là, il y a quand même blanc. Et moi, j'ai une question, Nico. Juste, j'ai vraiment apprécié l'ambiance là, de ce qu'on vient d'entendre. Je ne connais pas du tout ce groupe, Brain Ticket. Tout l'album a cette couleur-là ? Cet album, plus ou moins, oui. Ils ont réalisé 3 albums dans cette période-là. En 2 ans, ils ont réalisé 3 albums qui sont plus ou moins dans le même univers. Après, il y a une période de 7-8 ans qu'ils n'ont plus rien fait. Joël était parti en Bali et plusieurs autres pays. Il est revenu, il a reconstruit un nouveau Brain Ticket qui a quand même un autre univers qui m'inspire moi. Qu'ils ont réalisé plusieurs albums et ils sont à nouveau dissolus. Et début de 2010, quelque chose comme ça, ils sont recommencés. Et là, je ne sais pas ce qui se passait exactement avec la musique. Je n'ai pas suivi à ce moment-là. J'ai une autre question là, par rapport à ce que tu as raconté tout à l'heure, là, les étiquettes à poser dans leurs albums pour dire attention, un groupe plutôt pour les adultes et le fait qu'ils étaient bannis dans certains pays par rapport au fait de consommer de la drogue. Mais j'ai l'impression que beaucoup de groupes dont on parle depuis le début de cette liste, enfin, il y a certains groupes qui étaient très grands consommateurs de drogue et que de toute façon les années 70 c'est énorme. Mais pourquoi eux ils ont été bannis par la censure? Parce qu'ils en parlent ou ça se voit sur les pochettes ou c'est revendiqué? Bah, parce qu'ils en parlent beaucoup de ce groupe-là. Je ne sais pas exactement pour quelle raison exactement. Mais je sais bien, dans les États-Unis, c'était vraiment... Ils n'étaient pas le bienvenu, pas du tout. Ah, c'est aux États-Unis, en fait. Ouais. Oui, enfin bah, voilà, la réponse est là, je pense, en fait. Ah oui, là, je comprends mieux, ouais. Ouais, d'accord. Ouais, je n'avais pas suivi que c'était un groupe américain. Ouais, ouais, ok, je peux comprendre. Non, c'est un groupe belge. C'est un groupe belge, suisse, oui. Allemand. Belge. Belge, mais c'est aux États-Unis qu'il y a eu... Ah oui, oui, c'est vrai que... Ouais, oui, oui. Ouais, donc là, c'était pour eux vraiment le kata, parce qu'ils tournaient beaucoup, ils jouaient beaucoup. Je pense qu'ils ont commencé déjà de jouer 67, 68, quelque chose comme ça. Et ça a duré plusieurs années avant qu'ils ont sorti leur premier album. Et là, ils avaient vraiment confronté de refus des autorités. Tu vois, les gens l'adoraient vraiment leur musique, mais il y a des lieux où ils n'étaient pas possible de jouer... ou que c'était interdit de vendre leur album. Et donc, en plusieurs pays, ils ont mis l'étiquette d'avertissement, et ça lui a donné quand même la possibilité de vendre leur disque. Mais aussi, par exemple, comme le deuxième album qui s'appelle Psychonaut, c'est déjà le titre qui a flippé les autorités. Mmh. Oui, oui. Oui, je comprends mieux. Ouais, c'est vrai qu'on se disait avec Guénaud en off que cette histoire d'étiquette, ça nous a un peu pensé au Parental Advisory. Pareil, ouais, c'est ouais, ok, le côté un peu américain, prude et pudibond qu'il peut y avoir au niveau de l'expression, l'autorisation de l'expression musicale là-bas. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Et aussi le lien avec le truc psychédélique, drogue et ouais. Vietnam. Et du coup, Nico. Je crois que tu nous as apporté un morceau justement de Northwest Wound en lien avec Brent Tickett. Et quel est ce lien? Bah, donc tu vas directement le reconnaître parce que si on joue le morceau, c'est un des morceaux où que Steve Stapleton était vraiment impressionné par les guitares. Et en général, je pense à partir du 4e ou 5e album de Northwest Wound, ils ont travaillé un peu dans la manière de dadaïste, c'est-à-dire de technique de collage, où ils prenaient des morceaux, des petits bouts de deux morceaux, et ils l'intégraient dans leur musique. Mais ici, presque une face est que le guitare qu'on entend de Brain Ticket. Et ils ajoutent des trucs, mais pour Steven Stapleton, c'est vraiment un des morceaux qui a lui vraiment inspiré et qu'il adorait. Vraiment. Et il a fait, on peut le dire souvent comme un cover. Il a vraiment, comment on dit ça en français? Un cover. Oui, en néerlandais, on dit un cover. On dit une reprise, mais sinon... Non, c'est pas pareil, un cover. Un cover, c'est plus un hommage qu'une reprise. Ah, d'accord. Ouais. Pour moi. Mais ici, je pense un peu les deux. C'est un peu une reprise, un cover. Ouais. Ouais. C'est un peu dans... Plutôt un hommage qu'une reprise. Très bien. Et ce qui est aussi très marrant, c'est un album, je pense que c'est le premier album qu'ils aient. C'est pas un vrai album, c'est un mini-album qu'il y a deux faces de chaque fois, une dizaine de minutes. Et donc, c'est un album qui était sorti sur un label belge qui s'appelle Lila Ampere Records. C'est un label qui a existé quelques années, pas très longtemps, mais qui était aussi avec Current 93, HNIS et plusieurs groupes dans ce domaine-là qui sont liés avec Northwest Wound et Current 93. Et pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Parce qu'on parle ici de 84, et aussi en 84, Northwest Wound a donné un concert à Bruxelles, dans l'ancien Belgique à l'époque, mais c'était un concert qui a duré 15 minutes. Et vu qu'il n'était pas du tout content de ce concert-là, il a vraiment dit, voilà, on va plus jamais faire des concerts avec Northwest Wound. Il était vraiment désolé. Il me disait aussi, dans une conversation que j'ai eue avec lui, c'était parce qu'ils ont eu beaucoup trop de drogue et beaucoup trop d'alcool dans cette période-là. Ils n'étaient pas capables de jouer on stage, sur le podium. Et donc pour lui, c'était vraiment le moment de dire, voilà, on arrête. Et donc, voilà, ils ont plus joué durant une vingtaine d'années, je pense. Et donc, finalement, en 2006, ils ont recommencé de donner des concerts. La première fois, c'était à San Francisco, deux jours consécutifs, dans le grand, comment ça s'appelle, la grand hall, comment ça s'appelle, je suis été, mais je suis plus, ah oui, The Great American Music Hall. C'est une grande salle dans San Francisco. Et là, ils ont joué deux jours consécutifs, mais vraiment deux concerts complètement différents. Et là, c'était à nouveau la magie qui était là. C'est vraiment deux concerts réussites. Et depuis ce moment-là, ils ont donné beaucoup plus de concerts. OK, les dernières années, ils ont changé un peu leur manière de jouer les concerts, parce qu'au départ, c'était vraiment des albums bien construits, toutes des choses comme ça. Maintenant, c'est plutôt pour jouer les concerts, ils invitent des artistes qu'ils ne connaissent pas. Pour chaque concert, ils invitent un artiste, c'est un musicien ou un peintre ou n'importe quoi, un danseur, je ne sais pas quoi. Ils invitent chaque fois une personne et ils font ensemble de musique spontanée. Et de temps en temps, ça marche bien. Et de temps en temps, c'est un peu plus difficile à suivre ce qui se passe. Voilà. Ok. Le retour de la fameuse spontaneous music, musique spontanée dont tu nous avais parlé il y a quelques émissions de ça. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, c'est un peu comme le AMM, par exemple. Ouais. Donc, on ne parle pas vraiment de musique d'improvisation, mais plutôt de spontaneous. Voilà, tout à fait. Et donc, oui, c'est maintenant toujours un peu... Comment dire, on ne sait pas si on va y aller voir un concert, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre, tu vois. Comme je l'ai vu plusieurs fois, j'ai quelquefois eu des très chouettes moments des concerts de North Street Wound, mais aussi quelquefois que j'étais un peu comme, ouais, ok, c'est parce que c'est agréable pour faire ça devant le public et qu'il n'y ait pas vraiment un échange entre les musiciens ni entre le public et les musiciens. Donc, ouais. Donc, il faut avoir un peu de la chance si que North Street Wound passe dans votre commune ou région, de dire, OK, est-ce que je vais y aller et te laisser surprendre un peu. OK. Parce que North Street Wound tourne encore de nos jours. Oui, oui, oui. Ils le font encore. Et ça dépend aussi de... Ils ont maintenant beaucoup de formations différentes. North Street Wound, ça peut être uniquement Stephen Stapleton lui-même, mais en général, c'est avec Andrew Lyles, Colin Potter, Matt Waldron, ça sont des personnes qui sont souvent avec lui. Et il change aussi souvent qui est disponible, c'est où, et toutes les choses comme ça. Mais ils faisaient encore des concerts, mais ils faisaient rarement des tournées. C'est souvent des invitations pour faire deux concerts dans un lieu. Et ça, deux fois par an, quelque chose comme ça. Pas plus. Donc, il n'a pas envie de dire, voilà, on va faire 10 jours consécutifs, un jour à Amsterdam, un jour à Bruxelles, un jour à Toulouse. Ils ne le font pas. Pour eux, c'est vraiment y aller vers un lieu, de créer quelque chose là, et voilà. Et de rester là quelques jours, et de retourner à Irlande. Donc, c'est pas comme des gens qui faisaient tous des concerts l'un après l'autre. Pour lui, ça ne lui intéresse pas du tout. Ce qui est aussi important pour lui, c'est toujours de trouver des lieux un peu exceptionnels. Donc, insolite, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Il m'expliquait un jour qu'il a été à Moscou, dans un très grand église, et qu'il y a 2 ou 3 000 personnes, tous sur des matelas qui écoutaient leur musique et toutes des choses comme ça. Ça, c'est des choses qui lui intéressent vraiment. Mais pas dans une salle comme l'ancien Belgique à Bruxelles ou je ne sais pas comment les salles sont à Toulouse. Mais pas dans une salle classique, ça ne lui intéresse pas tellement. Je peux comprendre. Bon, les salles à Toulouse, elles sont fermées. Soit par le Covid, soit par la municipalité, donc bon. Voilà. C'est peut-être le moment de lui inviter, hein, parce qu'il adore des choses qui ne sont pas vraiment autorisées. Peut-être qu'il a envie de jouer chez toi à la maison. Très bien. Mais bonne idée. Mais il se passe encore des choses chez moi à la maison, mais j'en parlerai pas à l'antenne. Eh ben, merci beaucoup, camarade. Donc, on va s'écouter ce cover, reprise, on ne sait pas trop, de Nurse's Wound, donc de Brain Ticket. Tout à fait. Donc, c'est l'album Brain Baffling Masonry. Et c'est le même titre de le morceau qui était sorti en 84 sur le label Layla Anti Records. Bonne soirée à tous et à la prochaine. À très bientôt. À tantôt. Camarade. Bisous. Merci. Ciao Nico. Ciao. terrible part. And I'm in a knot, retreating towards oblivion. A square life, a turtle of blood, a triangle of nothing. A head for its seven sisters. What forward do they go? Bury them in black sand. An unseeable trickling. Wasted an ideal. Too fast, too fast, too fast, too fast, too fast, too fast. Stop, stop, stop, stop, stop, stop. Motionless and motionless, the red eyes glinting like seemingly bleeding copper lapis. Why don't they stop talking? I can't feel them fighting. I can feel them fighting. I can feel them fighting. Na na na na na na na na na na. Thank you. Brain with Falling Masoni, c'est le nom de ce titre de Nurse Bizwoon, donc extrait d'un EP sorti en 1984 et qui rend clairement hommage au groupe Brain Ticket qu'on a écouté juste avant. Hommage, cover, reprise. Chacun y mettra le vocabulaire qu'il veut, mais en tout cas, ouais, c'est une espèce de extended version, si j'ose dire. En tout cas, voilà, c'est clair que c'est la musique originale avec des rajouts, et ben on comprend mieux. Et merci encore Nico d'avoir mis ça en lumière. On comprend mieux la présence de Brain Ticket dans cette Nurse With One List et le rôle qu'ils ont pu jouer dans l'existence, dans les inspirations de ce groupe décidément très étrange. Juste avant de te laisser la parole, camarade, juste parce que notre ami Nico ben, faut peut-être un petit peu trop timide ou humble pour en parler, mais il l'a cité très vite, il a fait une interview de Stephen Stapleton en deux parties qu'on peut retrouver sur internet si vous êtes curieux, si vous voulez en savoir plus, non seulement sur la Nurse With Wound List, mais sur Nurse With Wound et sur Stephen Stapleton lui-même. Et ben ça s'écoute sur internet, sur Radio Panique. Vous tapez Radio Panique, Stephen Stapleton sur un moteur de recherche, et vous tombez sur l'excellente émission de notre camarade Nico. Real Slow, salade de macro, et où il recevait donc Stephen Stapleton et où il parle longuement de la discographie de ce monsieur et aussi un petit peu de cette Nurse With One List. Ben oui, tu fais bien de le rappeler, puis comme ça on pourra réécouter en podcast la douce voix outre qui est Vrine, c'est ça Ouais, c'est fort bien dit, outre qui est Vrine. Outre Kivrin de Nico pour cette radio de macro rock, quoi. Et oui, du coup, donc je reprends la parole pour a priori faire clôturer cette cinquième édition de ce hors-série de Au pied de la lettre, tentative d'exploration de la Nurse With One List, avec, ben pour le coup, je crois que c'est peut-être le premier groupe allemand de cette émission, non? Oui, il y en a eu beaucoup les émissions précédentes, mais ouais. Ouais, donc du coup, on retourne dans les choucroutes. Mais bon, les choucroutes qui sont pas si claires que ça, parce qu'une fois de plus, une appellation krautrock, mais bon, qui serait à redéfinir. Et je pense qu'on se fera le plaisir avec Manu de faire ça. Mais en tout cas, c'est ce qu'on lit de eux. Donc ce groupe s'appelle le Brave New World. Donc déjà, c'est un nom anglais tiré de... du bouquin de Aldous Huxley, Le meilleur des mondes. Alors, je ne l'ai pas su quand j'ai tiré au hasard, c'était pas vraiment au hasard, mais en écoutant au hasard ce groupe. Donc, un groupe allemand qui vient de Hambourg, comme Alcatraz. Donc, il y a quatre musiciens allemands, il y a un autre qui est irlandais, notamment le flûtiste. Donc voilà, moi j'ai pas trouvé ça très krautrock, pas très rock prog. Il y a un côté prog forcément, mais ça aussi oscille entre le folk, le psyché, ou enfin c'est assez éthéré, assez diffus, assez pondéré, on va dire, pour du rock prog. Et cet album donc qui est paru en 72, qui est leur seul album, s'appelle Impression on Reading Adults Aldous Huxley, donc on va dire que les intentions sont clairement énoncées. C'est une vision, on va dire, musicale de leur impression, de la lecture du bouquin Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Donc moi je me souviens avoir lu ce bouquin, je sais pas, quand j'avais 16, 17 ans, il m'avait marqué. Il y avait 84 de Orwell, il y avait Le meilleur des mondes de Huxley. J'avais vachement aimé 84 dans tout le bouquin. Huxley, j'ai vachement aimé le début. Je trouvais que tu rentrais dedans. C'est un peu pour, on va dire, pour imager ça de manière un peu hollywoodienne, c'est un peu le bienvenu à Gattaca, quoi. Tu rentres de suite dans les éprouvettes et dans l'eugénisme et dans le laboratoire de la nouvelle société à venir, quoi. Vraiment dystopique, total, dès le début, quoi. Où c'est un peu moins... c'est un peu moins insidieux. C'est, dès le début, tu sais que c'est OK, d'accord. On va plus faire de bébés parce qu'il n'y a pas de rapport sexuel qui est autorisé pour la reproduction. On va tout faire ça par éprouvette. Donc voilà. Et les bébés, on va leur leur passer pendant leur sommeil des messages subliminaux pour leur expliquer le comportement qu'ils auront à accomplir dans la société. Et si je me souviens bien, il y a toute une histoire de caste. Ils sont déjà prénormés. On sait que tel bébé va être de telle caste, donc aura à suivre tel comportement. Et tout ça, on leur passe pendant leur sommeil et c'est ça qui induit sur leur comportement. Je ne crois pas que ce soit vrai d'ailleurs. On ne peut pas induire sur le comportement d'un bébé par ce qu'on lui passe pendant son sommeil. Ouais, pour le coup, c'était plus la science-fiction que de l'anticipation. Mais enfin, une chose est sûre, c'est que bon, il a marqué quand même ce bouquin, c'est 1930, donc c'était quand même assez anticipateur, même si la réalité pour l'instant prouve que non. Mais voilà, bref, c'est un groupe allemand, donc ils sont 5-6 musiciens qui ont fait un album. Et moi, j'ai assez accroché à ce bouquin, enfin à ce bouquin, oui, enfin à cet album, qui est assez, je sais pas, assez, tu sais pas trop où le caser, quoi. Enfin, tu sais pas trop où le caser, c'est pour ça. En tout cas, tu le mettrais pas dans la case choucroute, enfin personnellement, ni dans la case mozzarella, d'ailleurs, certainement pas. Et j'ai choisi deux morceaux. Je vais commencer par le second que j'avais écrit sur mon petit calepin, qui s'appelle Alpha Beta Gamma Epsilon Ford. Alors pourquoi Ford? Parce que le seigneur, le lord du bouquin s'appelle Ford, en référence à Henry Ford, l'industriel qui a fait plein de voitures qui roule encore, quoi. Ouais, qui a inventé plus ou moins le travail à la chaîne. Le Fordisme, voilà, tout à fait. Et du coup, c'est un morceau qui est assez entraînant. Il y a de l'orgue pour faire un petit retour à Tony Bradshaw. Et voilà, je te propose, Manu, qu'on l'écoute et qu'après, on en rediscute un peu. Puis on s'écoutera ensuite la première chanson qui s'appelle Malpace Condense. Et là, pour ce premier morceau, c'est Alpha, Beta, Gamma, Epsilon, trois petits points, Ford. We'll be right back. Alors nous venons d'écouter le morceau Alpha Beta Gamma Epsilon. Alpha Beta Gamma Delta Epsilon, pardon. Hein, mais je n'avais pas le Delta. C'est toute une énumération de bah de. A priori de l'alphabet. Ok, bah, c'est vrai que bah, moi je l'avais pas. Ok, mais très bien. Mais merci du correcteur orthographique de Manu. Ben, je t'en prie. Ben, effectivement, c'est très, oui, c'est très évocateur comme musique. Ça fait très musique de film. Hein, donc, effectivement, comment s'appelle l'album, là ? Impression Impression sur la lecture de Aldous Huxley. Donc, c'est, voilà, c'est clairement dit. Et d'ailleurs, la pochette aussi est assez évocatrice et assez belle. Parce que ça, donc c'est une façade d'immeuble qui est un peu en arrière-plan. Qui est voilà, un peu je, non pas la Gaudi, mais un peu qui est un peu courbé. Et puis il y a un couple qui est en ombre et leurs ombres sont en couleur en fait. Donc les ombres sont inversées et du coup voilà, j'ai envie de dire ça montre un peu le couple qui n'est pas quoi, l'ombre d'un couple. L'ombre d'une parentalité. joli écho à l'œuvre d'Aldous Huxley, effectivement. On s'écoute un autre morceau ? Ouais, du coup, qui s'appelle Malpé ou Malpaïs, je ne sais pas, je ne sais pas si un tréma, comment l'accentuer. Corn Dance, donc la danse de la céréale, mais Malpé, ça, je ne saurais pas vous dire. Donc, là, on change, voilà, c'est plus folk, on change un peu d'univers. C'est un autre moment du bouquin. Donc, c'est un bouquin où peut-être la désillusion n'est pas encore là. Et c'est sur cette danse céréalière du Malpays signé Brave New World que s'achève cette 166e édition de Vraiment Autre Chose au pied de la lettre numéro 5. Au générique, aux joies, aux plaisirs. Ah, on le connaît, celui-là. Le temps, l'interminable mais nécessaire récapitulatif de fin d'émission. Qu'est-ce qu'on a écouté ce soir? Ben, on a commencé par un groupe de Tagliatelle Rock. Ou Mozzarella Rock. Ou Mozzarella Rock. Ou Ricotta Rock, d'ailleurs, à sa guise. C'était Il Balletto di Bronzo. Et le morceau qui s'intitulait Manu Introduzione, l'album qui introduit l'album Is. On était en 1972 et on va beaucoup aller en 1972 cette année-là. Ah, ça tombe bien. Après, on est retourné en France avec Inès qui nous a parlé de Philippe Besombe, je ne sais pas comment bien le prononcer. Et il y a eu trois morceaux, donc je te laisse Manu les citer. Trio, Princesse Lolita et Géant, c'était pour découvrir un petit peu toute la disparité qu'il pouvait y avoir dans un album de Philippe Besombe. On était en 1979 pour l'album Ceci et Cela, et Inès et ainsi que toi d'ailleurs Guénolé et notre ami Tony, vous avez tous les trois vanté la page Wikipédia de Philippe Besombe, donc on va aller peut-être y jeter un œil parce qu'apparemment le gars a vraiment une œuvre très diverse, très variée, pouvant aller du plus expérimental au mainstream le plus dégueulasse. Voilà, tout à fait. Ensuite on allait vers Cherbourg contacter Tony qui nous a fait part de sa claque. Il nous a dit que c'était une claque et moi je t'avouerai que c'était une petite claque aussi pour moi. Donc le morceau de Don Bradshaw Laser, du seul album de Don Bradshaw Laser, qui est la part 1. Ouais, c'est ça, The Distance Between Us Part 1, tout à fait, tiré d'un album qui s'appelle Distance Between Us et qui est paru aux surprises en 1972. Les choses deviennent vraiment un peu flippantes. Heureusement que c'est la fin. Après, Nico nous a appelé de Bruxelles pour nous parler de Brain Ticket en faisant un lien avec un morceau de Nurse with Wound, le morceau qui est fait ce pourquoi nous faisons ça. Donc malgré tout, quel était ce morceau de Brain Ticket? Ils sont intitulés tout bêtement Brain Ticket Part 1, tiré de l'album Cottonwood Hill, paru en 1970. Et ensuite, on a écouté un cover, une reprise, un hommage. Bon, il y aurait de quoi disserter. En tout cas, une très très claire citation donc, de Nurse with Wound, qui s'appelle Brain with Falling Masonry, paru sur un EP en 1984. Oui, je ne m'abuse. C'est ça, pour leur dernière apparition en live. Chez Leila Empire Records. Tout à fait. Et après, du coup, on a terminé par Brave New World, dont le morceau que vous venez d'écouter, donc qui était la danse, Malpays des céréales, ou je ne sais comment le dire. Mais avant ça, on a écouté Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, trois petits points, My Lord Ford. Ouais, tout ça tiré de l'impression donc de l'album Impressions on Reading Aldous Huxley. Donc voilà, un groupe allemand qui nous a livré ses impressions en lisant le meilleur des mondes. C'était en 1972 que ça se passait et c'est ainsi que se termine cette 166e émission de Vraiment Autre Chose. J'espère que vous aurez eu plaisir à l'écouter. N'hésitez pas à rester à l'antenne parce qu'il y a du très très bon qui s'annonce sur Radio. Là, on va vous laisser en compagnie de Vialka, notamment Electric Masada, Sister Yodine, Les Residents. J'en passe des meilleures, très très belles playlists pour ceux qui souhaiteraient poursuivre la nuit avec nous. Et sinon, on se retrouve... la semaine prochaine, là, ce sera plus au pied de la lettre. Là, la semaine prochaine, on a le plaisir de recevoir en studio le groupe Édredon Sensible qui vont nous faire partager leur premier album en avant-première puisqu'il ne sortira que le lendemain. Donc on sera très contents. On se retrouvera ici avec toi et Inès et les quatre musiciens d'Édredon Sensible. Eh oui, on sera plus de 6. Ah oui, c'est vrai. Ah, t'as raison, ça craint. Il faut virer quelqu'un. Eh ben, d'ici là, portez-vous bien, chers amis, et à bientôt. Et merci de suivre nos tentatives d'exploration et qu'on reprendra dans 2 semaines. Gros bisous à tout le monde et à la semaine prochaine, voire dans 2. Bisous. Bye bye. Du still here.